sa gloire venant ici-bas pour me sauver, ô Jésus. Et rien ne pouvait l'arrêter car il avait déjà choisi le chemin de ma rédemption. Le ciel et son trône et sa gloire venant ici-bas pour me sauver, ô Jésus. Rien ne pouvait l'arrêter car il avait déjà choisi le chemin de ma rédemption. La honte, il a tout accepté. Lui qui était innocent, le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Mon rédempteur Jésus, je t'aime. Malgré la souffrance, les insultes, la honte, il a tout accepté. Lui qui était innocent, le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Mon rédempteur Jésus, je t'aime. De ton amour.